الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة dans le chapitre numéro 26, l'auteur nous dit le chapitre de ce qui a été cité concernant Al-Nushra, le désengoûtement. Al-Nushra, halu sihr an al-mashur. Al-Nushra, ya halu sihr an al-mashur. Que signifie Al-Nushra? Al-Nushra, c'est doter la sorcellerie et son effet de la personne qui a été ensorcelée. En d'autres termes, de désenvoûter celui qui a été touché par un sort, par de la sorcellerie. Halu sihri anil mas'ur. Idhan huwa naw'un min anwa'il ilaj. C'est donc une forme de guérison, un remède. Munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid. Qala al-allama Salih ibn al-Fawzan hafidhahullah ta'ala lamma dhakara al-musannif hukm as-sihr wal-kihana dhakara fi hadha al-bab ma jaa fi an-nushra li'anna qad takunu min qibal ash-shayatin was-sahara fa takunu mudaddatan lit-tawhid. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid après avoir cité des chapitres concernant la sorcellerie, la voyance. Il nous a cité ici le chapitre sur le désenvoûtement, donc des remèdes contre la sorcellerie, car ces remèdes employés peuvent contenir la recherche d'aide et de secours auprès des shayatines. Et cela, sans aucun doute, a pour jugement le polythéisme majeur qui annule l'unicité de la personne. Donc l'auteur nous a cité ce chapitre pour qu'on connaisse les différentes formes de désengoûtement. Car la plupart de ceux qui utilisent ces remèdes ou qui tentent de désenvoûter celui qui a été ensorcelé ont recours au polythéisme, ont recours au sahara, aux sorciers, ont recours aux shayatines, et ceci annule le tawhid de la personne. Voici pourquoi l'auteur nous a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid. Amma munasabatu hadha al-bab lima qabla fawadih. Takallama 'an as-sihr wa anwa' al-kihana fanasaba an yadhkura ba'da dhalik al-'ilaj ash-shar'i al-ja'iz والشرك الممنوع فلا بد لطالب العلم ان يفقه هذا الباب Le rapport qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés est évident, c'est que l'auteur nous a parlé de la sorcellerie, donc ici il nous cite le remède contre la personne ou bien contre la sorcellerie. Et on garde en tête que la plupart de ceux qui entrent dans ce domaine utilisent le polythéisme. Donc la personne, l'étudiant, doit savoir ce qui est permis dans ce chapitre et ce qui est interdit afin de distinguer entre le bien et le mal. والنشرة تنقسم إلى قسمين، نشرة مشروعة ونشرة ممنوعة. Le désengoutement est de deux types. Il se divise en deux. Il y a le désengoutement qui est permis, légiféré, et il y a celui qui est interdit. Et il y a celui qui est interdit. Le désengoutement qui est permis peut lui aussi être divisé en deux, par extension. Mustahabba wa jaiza ou mubah. المستحبة منها ما كانت بطريقة شرعية كقراءة المتعوذتين أو معوذتين كما فعل جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر رقاه بالمعوذتين وهكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي يتسبح بسبع تمرات عجوة نوع من العجوة من تمرات المدينة لم يصبه في هذا اليوم سحر ولا سم. للقبيل صلى الله عليه وسلم ou plutôt, je ne sais pas si j'ai traduit, le désengoutement qui est légiféré, qui est permis et ou recommandé, est celui qui est fait à la manière qui nous a été enseignée dans les textes. Comme le fait de lire « Qul a'udhu bi rabbil falaq » et « Qul a'udhu bi rabbil nas » sur la personne pour la soigner par la permission d'Allah. C'est ainsi qu'a fait Jibril alayhi salam lorsqu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été ensorcelé. Il lui a récité Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et Allah l'a guéri par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que celui qui mange cette date, on appelle Ajwa, chaque matin, il sera préservé ses jours. Ou celui qui mange cette date, na'am, le matin, on nomme ces dates-là, c'est des dates précises, date de Ajwa, date de Medina, d'un endroit précis à un autre endroit, il sera préservé ce jour-là des piqûres d'insectes et de la sorcellerie. Donc ce sont des textes qui nous montrent comment nous prémunir ou nous guérir par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala de la sorcellerie. Donc ceci est permis et même recommandé. Entre dans le désengoutement permis également ma lam yarid fi dhalika an-nass wa ma'a dhalik la yukhalif an-nusus ولا يتضمن محظورا وثبت بالتجربة بهذه الضوابط نقول هذه النشرة جائزة وإذا ثبت فعلها شرعا نقول مستحبة وهذا النوعان داخلا في قسم المشروع. Donc le désengoutement permis comprend deux choses. Ce qui a été cité dans les textes, comme le fait de lire Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, ce qu'on nomme mu'awidhatan sur la personne pour la guérir par la permission d'Allah, ou tout ce qui a été cité dans les textes. Donc ceci est permis et même recommandé. Tu as également le droit de faire les choses permises tant que ça ne contredit pas de texte et que c'est prouvé. dont l'effet est prouvé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la sorcellerie peut toucher l'esprit de la personne, mais peut toucher aussi son corps. Et c'est connu que celui qui a une douleur peut utiliser tel médicament ou tel autre. Pour guérir la sorcellerie, tu peux utiliser également la médecine si ça touche un mada, des choses qu'on peut traiter avec la médecine, comme les douleurs, comme un mada, un handicap et d'autres choses. Certaines personnes, pour des maladies précises dues à la sorcellerie, on remarquait qu'en lisant telle sourate et telle sourate ou tel verset, il y avait un effet positif. Donc, on dira que c'est permis. Car il n'y a pas d'interdit dans ces actions. Et ça a été prouvé. Et quoi qu'il en soit, le Coran tout entier, c'est une ruqya. On peut le lire pour soigner la personne. Bi-idhnillah, car Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran que c'est une guérison. Voici la première forme de nushra, de désenvoûtement, qui est permise. La deuxième forme, al-mamnu'a, celle qui est strictement interdite. Wa hiya halu sihri bimithlih. النشرة الممنوعة هي حل السحر بمثله بالذهاب إلى السحرة وبطلبهم فك السحر. وقد علمت في دروس مضت أن الساحر لا يجد خدمة من الشياطين إلا بماذا؟ بصرف عبادة لهم وبالكفر بالله عز وجل. Deuxièmement, donc, le désenvoûtement qui est interdit. C'est le fait de désenvoûter la sorcellerie qu'a subi la personne par une autre sorcellerie. C'est le fait de soigner la sorcellerie par la sorcellerie. Ceci est interdit de manière stricte. Donc il se rend auprès des sorciers et le sorcier va demander l'aide des shayatins, des diables, des démons ou des djinns afin de désenvoûter à l'aide donc d'une autre sorcellerie celui qui a été touché par un autre sorcier. Hada la shakkannahu يدخل في الشرك والكفر. Donc sans aucun doute, le fait de faire de la sorcellerie pour désenvoûter la personne, ça a le jugement de la sorcellerie. La sorcellerie est de la mécréance. ولا يجوز هذا بحال من الأحوال. Ceci est interdit dans toutes les situations. D'avoir recours à la sorcellerie pour soigner une personne qui a été touchée de sorcellerie. Est-ce que j'ai commis Rafadbal Barakallah. An Jabir رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب سعيد رحمه الله رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه عفوا أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرْ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر لا يحل السحر إلا ساحر وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, selon Jabir, on a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de la nushra. Que signifie al-nushra? Qu'est-ce qui répond à cette question? Le désengoutement. Qu'est-ce qui a mémorisé la définition en arabe? Kullama yudawa bihi al-sihr. حل السحر عن المسحور نعم بارك الله فيك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos de la nushra. Il a répondu, cela fait partie des œuvres du Satan. Cela fait partie des œuvres du Shaytan. Ce hadith est rapporté par Ahmed selon une chaîne de transmission solide, ainsi qu'Abu Daoud qui a dit, on a questionné Ahmed, c'est-à-dire l'imam Ahmed, concernant ce sujet, c'est-à-dire al-nushra, le désengoutement. Et il a répondu, Ibn Mas'ud détestait tout cela. Wal-karaha inda salaf, karahatu tahrim. Karahatu tahrim, kama fi al-Qur'an, fi surati, mathalan, al-Isra, kullu dhalika kana inda Allahi, makruha. Ba'dan dhakar Allah azza wa jal, anwa'an min al-muharramat. Al-Bukhari, rahimahullah, comment se nomme l'imam al-Bukhari? Al-Bukhari, nisbatan ila baladi. Comment se nomme l'imam al-Bukhari? Muhammad ibn Ismail. Barakallahu fiqh. Comment se nomme l'imam muslim? Il fait chaud, c'est juste pour voir ceux qui ne dorment pas. Al-Sheikh Mokbir rahimahullah ta'ala avait l'habitude de souvent questionner ses élèves. Et particulièrement dans ce genre de situation. Comment se nomme un musulman? Mohammed. Anwar. Nawar Allah wajhak. Anwar ajib. Ma tadri. Salim, salamak Allah. Allahu alam. Muhammad, amin. Adam, sauf tes frères. La réponse, elle est dans ma question. Subhanallah. Comment se nomme l'imam muslim? Muslim, Ibn Man. Matadroun. Taïb, au prochain cours, vous apprenez. Le nom de ceux qui ont Madal Kutub Sitta. Au prochain cours, vous venez, j'interrogerai certains d'entre vous sur le nom des Madal, l'imam Bukhari, l'imam Muslim et Ashab al-Sunan. Vous avez retenu ou vous notez? Ces gens-là ont un grand fadl sur nous. Ils ont un grand mérite sur nous. Nous devons connaître un minimum de leur personne. Ce sont ceux qui par la grâce d'Allah Azza wa Jal ont préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse l'étudier au jour d'aujourd'hui, l'écouter et la mettre en pratique. Et ils ne sont pas que 6, ils sont nombreux, mais parmi eux il y a ces 6. Naam. Taïb. Normalement, celui qui a étudié l'Arba'in Nawawiyah devait pouvoir, yani devait répondre aux deux premières questions. Hein? Car dans le premier hadith que tu étudies dans l'Arba'in Nawawiyah, qui est le hadith de qui? Mendamen. Le premier hadith de l'Arba'in Nawawiyah. C'est le hadith de Omar ibn Man, ibn al-Khattab. Quelle était sa fonction? Amir al-Mu'minin. Quelle était sa kunya? Abu Hafs. T'apprends la première ligne de l'Arba'in Nawawiyya, tu connais ça. Sahih? Naam. Quel est le deuxième hadith de l'Arba'in Nawawiyya? Adam. Omar ibn al-Khattab aussi. Selon, en ces termes, l'a dit l'imam al-Nawawi. Quel est le nom de l'imam al-Nawawi? Allahu alam. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas son nom. Indak. Ibrahim, c'est mon nom à moi, ce n'est pas le nom de l'imam al-Nawawi. Allah s'il Indaman. Donc on recommence l'Arba al-Nawawi. Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi. Et sa cunia est Abu Zakariya, wa lam yatazawwaj. Il s'appelle Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi, en référence à l'endroit Nawa. Et sa cunia est Abu Zakariya. Mais il n'a pas été marié. Tu peux avoir une cunia sans être marié. Tu peux être un enfant et avoir une cunia. Comme ça a été cité dans les hadith. Là, Abu Umayr, ماذا فعل المغاي. بارك الله فيكم. On continue le cours ou je vous questionne? Je te vois sourire, les questions te plaisent, ça t'évite de dormir, ça? Naam. J'ai plein de questions. Mais il faut apprendre pour avoir des questions et pour donner les bonnes réponses. Sahih? Amma, celui qui assiste, qui ne note pas, qui ne retient pas, qui n'applique pas, pourquoi est-ce qu'on s'assoit là? Barakallahu fikum. Donc pour la semaine prochaine, le nom d'Ashab al-Kutub al-Sitta. Wadah? Naam. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Toi, t'es sorti entre temps. T'as une excuse pour cette fois-ci. Indaman. Mohamed. Celui qui s'assied proche est plus en danger que les autres. Et celui qui s'assied loin, il est aussi plus en danger que les autres. Et yadullah ma al-jama'a. Hein? Wa al-jama'atu rahma wa al-furqatu adab. Et d'être dans le groupe, c'est la sécurité. Na'am. Barakallahu fik. Et la dernière phrase que j'ai prononcée du livre. Je sais moi, c'est juste pour voir si vous savez. Mais souvent quand je vous questionne, je ne sais pas, mais là je sais. Adam, il est temps que ta voix mue. Parle plus fort, j'entends pas. Al-Bukhari rapporte que Qatada, Jazakallahu khayr. Adam, t'es un homme même si t'es pas âgé. Et il y a des hommes qui sont des enfants même s'ils sont âgés. Al-Rajul sahibu sunna sahibu tawhid. L'homme, c'est celui qui est sur la sunna, sur l'islam. C'est celui qui est ce sur quoi Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un rajul, haqiqat. Hein? Amma, celui qui est loin du din, laysa bi rajulin bi ma'na al-haqiqa. Al-rujula. صاحب الرجولة هو المحافظ على الصلوات في مساجد الله كما ذكر الله عز وجل في سورة النور مثلا فأنت صاحب كبير عندنا وإن كنت صغيرا donc t'es un grand homme auprès de nous même si tu es encore qu'un jeune homme بارك الله فيك وأرجو من الله عز وجل أن يجعلك من أهل السنة من أهل العلم الدعاة إلى توحيد الله عز وجل الذين سرد على المشركين والمبتدعة والمخالفين ولا يخاف في الله لومة لائم et qu'Allah عز وجل fasse de toi un grand imam de la sunna qui appellera les gens à la sunna et au tawhid et qui réfutera les gens de l'innovation du polythéisme et ceux qui contredisent la vérité et qui n'aura peur dans cela du reproche de personne. فما أحوجنا إلى دعاة المصلحين. Donc l'imam al-Bukhari rapporte que Qatada qui dit, rapporte de Qatada qui dit, j'ai dit à Ibn al-Musayyib, ce nom Saïd, un des grands parmi les pieux prédécesseurs, une personne atteinte d'une sorcellerie ou qui ne peut pas approcher sa femme. Donc on lui a fait un sihr qui le rend impuissant lorsqu'il veut avoir un rapport avec son époux. Est-ce qu'on lui enlève donc ce sort par le désenvoûtement? Donc semblable, il a répondu, il n'y a pas de mal à cela. On ne recherche que le bien par ce moyen. Ce qui est utile n'a pas été interdit. Al-Hassan a dit, la sorcellerie ne s'enlève que par un sorcier. Donc j'ai lu la plupart du maître, et maintenant nous allons expliquer. Inch'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de Al-Nushra. Al-Nushra Ahdiyya. أي النشرة المعروفة في الجاهلية المتضمنة للشرك والذهاب إلى السحرة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le désenvoûtement. Le désenvoûtement voulu ici est le désenvoûtement qui était connu dans la période anti-islamique. Le désenvoûtement que fait les sorciers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui comprend du polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela, Hiya min amali shaytan. Hiya min amali shaytan. Cela fait partie des œuvres de shaytan, de Satan. Car lorsque les sorciers désenvoûtent une personne, ils utilisent comme moyen l'aide des shayatines, et ceci est du polythéisme majeur. Ils utilisent les shayatines. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été questionné au sujet de la nushra. Il a répondu que Ibn Mas'ud radiallahu anhu détestait tout cela. Que Ibn Mas'ud radiallahu anhu détestait tout cela. Et le sens du mot détester chez les salafs, c'est l'interdiction. C'est pas makruh ala istilah al-usuliyin. Donc ce qui est voulu par al-kiraha ou al-karahiyya dans les silah des vieux prédécesseurs, c'est l'interdiction, c'est le muharram. Donc Ibn Mas'ud détestait tout cela. Comment est-ce qu'il s'est dit? والمراد بالنشرة هنا كما ذكرنا آنفا التي هي من عمل الشيطان المتضمنة للذهاب إلى السحرة واستعمال الشياطين والاستعانة بهم. Donc ce qui est voulu par Nushra ici, que détestait Ibn Mas'ud, c'est celle comprenant la demande d'aide aux sorciers, aux shayatin et ainsi de suite. La foi donc celle qui était pratiquée dans la jahili. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le désenvoûtement que pratiquaient les gens de la période anti-islamique. Il a été questionné sur le jugement de cette action. Il a répondu que ça faisait partie des actions du shaitan, c'est interdit. Car ça ne peut être fait si ce n'est en prenant comme intermédiaire As-Sahara, les sorciers. Et ces derniers ne font cela qu'en s'aidant des shayatins. C'est donc du kufr akbar. L'auteur a cité ce hadith car on y voit l'interdiction de la nushra al-shirkiya al-mamnu'a, car on y voit l'interdiction de, du désenvoûtement comprenant des interdits. La nushra faite à la manière des gens du paganisme de la période anti-islamique. On tire de ce hadith l'interdiction du désenvoûtement que pratiquaient les associateurs avant l'avènement de l'islam. لِأَنَّهَا سِحْرٌ وَسِحْرٌ مُحَرَّمْ وَشِرْكٌ وَكُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Car cette forme de nushra est de la sorcellerie. Et la sorcellerie est interdite. Et c'est même du polythéisme et de la mécréance. نَسْتَفِدْ مِنْ هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ سُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَمَّا أَشْكَلْ. On tire de cela une grande faïda. C'est le caractère légiféré de questionner ceux qui savent lorsqu'on ignore. Le fait de questionner ceux qui savent lorsqu'on ignore une chose ou lorsqu'on se retrouve dans une situation problématique. حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ. Afin de ne pas tomber dans un mal. Contrairement à bon nombre de personnes qui agissent puis posent la question. هَذَا خِلَفُ الْحِكْمَةِ والصواب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل. Donc tu questionnes lorsque tu sais pas afin de ne pas tomber dans la faute. وفي البخاري عن قتادة. قتادة أحد السلف المعروفين وهو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة من أحفاد التابعين. Donc قتادة c'est un des grands savants chez les plus prédécesseurs. C'est nommé قتادة ابن دعامة. Il fait partie des plus savants chez les pieux prédécesseurs. Il est mort après la naissance, après l'égir. Après la naissance 10. 113. Donc il a questionné Ibn al-Musayyib. Sa'id, rahimahullah ta'ala, un des grands savants chez les pieux prédécesseurs. Au sujet d'un homme, bihi tib. معنى الطب ماذا سحر. D'accord. Donc le sens de طب ici c'est un sort, la sorcellerie. Comme dans le hadith lorsque les anges sont venus voir le prophète sallam et que l'un a dit au deuxième qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a répondu, matbou ay mas'our. Donc une personne qui a été ensorcelée أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى يعني لا أستطيع ماذا أن يجامعها بسبب سحر خاص قد يريدها وإذا أراد أن يتمكن منها ما استطاع. هذا سحر معروف. Il le questionne aussi au sujet d'un homme qui devient impuissant devant son épouse. C'est-à-dire que lorsqu'il va avoir un rapport sexuel avec elle, il n'y arrive pas. C'est une forme de sorcellerie qui empêche la personne d'approcher son épouse. Donc la personne peut avoir des envies. Elle peut être en pleine possession de ses moyens, mais lorsqu'il s'apprête à commercer avec son épouse, il n'arrive pas. Dû à ce sort, dû à cette sorcellerie, qui est une forme de sorcellerie connue. Donc il l'a questionné sur ces deux choses. Ayahallu ou yahullu anhu ou yunashar. Il lui a demandé, est-ce qu'on lui enlève ce sort et on lui fait un nushra, on le désenvoûte? Il a répondu, il n'y a pas de mal à cela. Il a répondu, il n'y a pas de mal à cela. والمراد بهذا أي بمعالجة بالأمور المباحة لم يريد بذلك حل السحر بالسحر بخلاف ما ظنه البعض ولا يظن بمثل سعيد رحمه الله هذا القول لا سيما أن من روى أن بعض من روى عنه هذا فسره بخلافه. Donc ce qu'a voulu Saïd rahimahullah ta'ala par cela, c'est le fait de soigner la sorcellerie à l'aide des moyens qui sont permis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas soigner la sorcellerie par la sorcellerie. Puis il a dit, on ne recherche que le bien par ce moyen. Ce qui est utile n'a pas été interdit. وروي عن الحسن إلى تأبرت الحسن البصري رحمه الله لا sorcellerie ne s'enlève que par un sorcier. ألا يقدر على حله إلا من يعرف السحر. C'est-à-dire personne ne peut soigner la sorcellerie que celui qui connaît la sorcellerie. Donc dans le premier athar, Saïd a dit que c'était permis d'utiliser un nushra pour la personne qui veut soigner la personne par un moyen permis. Et une chose de la sorte ne peut être interdite par notre religion. Comme le fait de faire ruqya avec les noms d'Allah, avec ses paroles, ou les invocations prophétiques. Le deuxième athar, لا يحل السحر إلا ساحر مقصود ذلك تحريم النشرة الممنوعة. Le sens du athar de Al-Hassan rahimahullah ta'ala, c'est l'interdiction du désenvoûtement comportant des choses interdites. Comme si on te demandait le jugement d'aller voir un sorcier pour te guérir de la sorcellerie dont tu as été victime. Et qu'on te répondait, Amada ne peut soigner de la sorcellerie qu'un sorcier. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Qu'il utilisera la même chose que le sorcier qui t'a touché pour te guérir. Donc, il recherchera l'aide des shayatis, il commettra du polythéisme, c'est donc interdit de se guérir de la sorte. Voici le sens du athar de l'Hassan, rahimahullah ta'ala. قال صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى أما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة. Cheikh صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى nous dit, ce qu'on comprend de la parole de l'Hassan, c'est l'interdiction du désenvoûtement. لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفة بالسحر. Car on ne peut réussir à désenvoûter la personne qui a été touchée de sorcellerie que la personne qui a eu connaissance de la sorcellerie. Qui a eu connaissance de la sorcellerie. ثم قال وهذا محمول على حل السحر بسحر مثلي. Puis le grand savant Salih ibn al-Fawzan nous dit, et l'explication qu'on donne à cette parole, c'est dans le cas où la personne veut guérir la sorcellerie par une sorcellerie semblable. وهذا من عمل الشيطان. Par la suite, l'auteur nous a cité tafsil dans toute cette mas'al. Donc on a compris qu'il y a une partie de Nushra qui est permise, une partie de Nushra qui est interdite. Et on a compris les ma'adha al-dawabit, les conditions. Pour conclure tout ça, et pour éclaircir de la meilleure façon, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nous a cité une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala qui ma'adha réunit et synthétise et simplifie tout ce qui vient de passer. En disant, قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند الأخ réveille ton frère أنت خانة. Quel est le prénom de l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى? Toi, je ne cherche pas quelqu'un d'autre. Allahu a'lam. Oui. Je cherche quelqu'un d'autre d'assoupli. T'es assoupli toi? Je t'ai assoupli? Non? Jamais, tu t'assouplis pas dans un cours toi. Non? On silence, on dit non. Oui. Les personnes là. Est-ce que c'est parce que vous êtes en forme ou parce que vous avez peur des questions? Je ne pose aucune question dangereuse. Bismillah. Masmu ibn al-Qayyim ou ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Quel est le prénom de ce grand imam? Et quel est son cheikh le plus connu? Voici deux questions que je vous adresse. Si je t'interroge, est-ce que tu vas me donner une bonne réponse? Parce que tout à l'heure je t'ai interrogé, tu t'es trompé. Inch'Allah. Tafaddal. Allah islihuk. Ajab toi akhtat. Tu as répondu, mais tu t'es trompé. Adam, tu as changé de place pour que je te perde avec ton père? C'est le ventilateur, c'est... D'accord. Mon père a donné une bonne excuse. Naam. عند من؟ عندك محمد ما تدري؟ طيب je vais vous donner un indice. Il porte le prénom d'un des prophètes. نعم عندك عم. أتدري ما هو اسم العلامة ابن قيم الجوزية؟ عندك يا عم. J'interroge la personne âgée assise sur la chaise. Est-ce que vous savez quel est le prénom du grand savant ابن قيم الجوزية؟ Vous ne savez pas? Allah arhamak ya am. Tafaddal. Mohammed Ahsan ibn Uman. Le nom de son père ou la kunya de son père est un des noms et une des kunya de l'un des quatre califes. Ahsan Adam barakallahu fik. Mohammed ibn Abi Bakr barakallahu fik. La ahad yanam fi dars. Personne dort dans le cours. Wadah. Qala ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. أو قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit la nushra, c'est le fait d'enlever la sorcellerie de celui qui est ensorcelé. Donc c'est la définition de al-nushra. Et elle est de deux sortes. Elle est de deux sortes. La première consiste à enlever la sorcellerie à l'aide d'une sorcellerie semblable. Donc guérir la sorcellerie de la personne en faisant de la sorcellerie. Donc en se rendant auprès d'un sorcier et ce dernier va commettre des actes de sorcellerie pour guérir le malade qui a été touché par une sorcellerie. Ce type de noshra, de désenvoûtement, c'est le type de noshra, donc de désenvoûtement, qui fait partie de l'œuvre du Satan, donc qui a été cité dans le premier hadith. Et c'est sous cet ongle que l'on doit comprendre la parole d'Al-Hassan. C'est une expression française que j'ignore, ou bien c'est cet angle? Cet angle. D'accord. Que l'on doit comprendre la parole d'Al-Hassan. Qu'avait dit Al-Hassan? Hein? Que ne peut guérir de la sorcellerie que le sorcier. Donc le sorcier et la personne ensorcelée se rapprochent du Satan en accomplissant ce qu'il désire. Que désire le Satan, le shaitan? Hein? Le kufr, le shirk. إِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيدِ. Il appelle les gens à faire partie du combustible de l'enfer. C'est un ennemi déclaré pour vous. Donc il nous appelle au kufr, il veut que nous soyons avec lui finnar. Le sorcier et la personne ensorcelée se rapprochent du shaitan, de Satan, en accomplissant ce qu'il désire. Et ce dernier annule la sorcellerie sur la personne atteinte. Donc en faisant du sihr. En faisant du sihr wal-iyadu billah. Donc c'est la première forme de nushra. La deuxième forme, la seconde, est la nushra faisant appel à la ruqya. Les demandes de protection, les invocations et les médicaments permis. Tout ceci est licite, permis. Tout ceci est licite et permis. Donc, guérir la personne ensorcelée à l'aide d'invocations permises, la lecture du Coran, tout cela est permis. Mais, de guérir la personne ensorcelée à l'aide d'un moyen interdit, comme la sorcellerie, est interdit. Donc ici, il y a Mada, le tafsil. Concernant, moi ce qu'on va traduire est tafsil, le détail concernant cette grande question. Est-ce que c'est permis de désenvoûter la personne touchée de sorcellerie? Oui ou non? Oui, c'est permis dans certains cas. Non, ça n'est pas permis dans d'autres. Un point très important sur lequel j'attire votre attention, c'est que certaines personnes ont commis une grande erreur. Une grande erreur. C'est comme ça. C'est la fatigue et mes manquements et mes lacunes aussi. Certaines personnes donc ont prétendu que la personne touchée de sorcellerie avait la permission de se rendre auprès d'un sorcier pour qu'il la désenvoûte à l'aide de sorcellerie. Et ceci est une grande erreur. Akada. Qui est rejetée par le Coran, par la Sunna et par le consensus. Comme l'a cité Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi majmou' al-fatawa dans le tome numéro 19 à la page 60 si mes souvenirs sont bons. Et pour réfuter cette thèse qui est vraiment loin de la vérité, les savants citaient beaucoup de paroles. Et ici, j'en ai noté 10 que Cheikh Salah Sindi Hamidahullah Ta'ala cite dans son charh. أولاً قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النشرة وقال في النشرة للعهد وهي النشرة المعهودة في الجاهلية لدى المشركين أي بالنجول السحرة واستعانة بالشياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود هو من عمل الشيطان وفي رواية أحمد من عمل الشيطان Hassana Sanadahu Al-Hafid ibn Hajar. Donc premièrement, le premier texte qu'on a cité dans ce chapitre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le désenvoûtement et a répondu, ceci fait partie des actions du shaitan. La version d'Abu Daoud, la version de l'imam Ahmed. Min amal al-shaitan. Ça fait partie. En français, ça a la même traduction. L'imam ibn Hajar a dit que la chaîne de transmission est bonne. Donc ça montre que c'est interdit de soigner la sorcellerie ou la personne ensorcelée par la sorcellerie. Deuxièmement, قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا ليس منا إلى أن قال ليس منا من سحر وسحر له. Vous vous souvenez de ce hadith? ليس منا من تطير أو تطير له من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. Donc dans des chapitres passés, nous avons lu le hadith « Ne fait pas partie des nôtres celui qui fait de la sorcellerie ou pour qui on fait de la sorcellerie. » Donc il se rend auprès d'un sorcier, et lui demande de faire de la sorcellerie. Donc de ce hadith, on tire l'interdiction de demander à un sorcier de faire pour nous de la sorcellerie ou contre quelqu'un de la sorcellerie. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité d'exception. Il n'a pas dit, sauf dans le cas où tu as été ensorcelé. Car c'est un cas extrême, et ceci et cela. Non. Laysa minna. C'est donc une kabira, et à l'aide des autres textes, on voit que c'est du polythéisme. Faites de faire du sihr. Troisièmement, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك والمقصود الشركية منها. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit les talismans, ou bien les formules d'incantation, les talismans et les filtres d'amour font partie du polythéisme. Ce qui est voulu, c'est ce qui comporte du shirk. Du fait que le prophète sallam a dit dans notre hadith i'ribu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka. Citez-moi vos incantations, les ruqas que vous prononcez. Il n'y a pas de mal à faire ruqya tant que cela ne comprend pas de polythéisme. Donc en associant les hadiths, on comprend que les ruqas qui ont été interdites sont celles comportant du polythéisme. Donc le prophète sallam nous interdit cela. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qila wa ma hunna ya rasul Allah? Qala ash-shirku billah wa as-sihr. Al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit éloignez-vous des sept péchés des sept péchés causant l'anéantissement du serviteur. Lesquels, au messager d'Allah? Il a répondu le polythéisme, la sorcellerie. Et il a cité encore cinq choses. Donc il nous a interdit le politisme, tout comme il nous a interdit la sorcellerie qui en fait partie. Et il n'a pas cité d'exception. Il nous a dit de nous en éloigner. Il n'a pas dit sauf dans tel cas. Sauf dans le cas où la personne a eu un sort, sauf dans le cas où la personne a reçu un mada, a été ensorcelée. Alors dans ce cas, elle peut se rendre chez le sorcier, chez le marabout et autres. Non. Il nous a dit « Ijtanibou, éloignez-vous-en ». Donc c'est une interdiction catégorique. Dalla al-hadith ala wujub, ijtinab, al-sihr mutlaq. Le hadith nous montre qu'on doit s'éloigner de la sorcellerie dans toutes les situations. Cinquième preuve, Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit « Man ata'arrafan au kahinan au sahiran » من أتعرف أو ساحرا أو كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بمنزل على محمد هذا الأثر موقوف ولو حكم الرفع. Donc Ibn Mas'ud nous dit, celui qui se rend près d'un de quelqu'un qui prétend connaître l'invisible ou un sorcier ou un devin pour le questionner et qui croit en ses dires, ils entendent mal. قدر الله وما شاء فعل وما فعل. Et je peux en témoigner le vendredi passé que le son est mauvais. On essaiera inshallah de remédier, moi avec des duas et les frères comme Mohamed jazakumullah khairan Salim et beaucoup d'autres frères qui se fatiguent pour nous tous. Ma'adha jazakumullah khairan, que le son est mauvais, le son est faible, d'accord. Donc par moment il est mauvais. Donc ma'adha, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter cela afin que ceux qui ne peuvent assister au cours en se déplaçant puissent suivre. Wallahu musta'an. Et je sais combien c'est désagréable de suivre un cours en direct lorsque le son est mauvais. Mais ne profiteront que les patients. Il se peut que la personne patiente, ça coupe, ça revient, ça coupe et ça revient, mais elle prend une faïda. Peut-être qu'avec cette faïda, elle rentrera au paradis, bismillah. وَلْيَقْرَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Mais n'endure dans cela que ce à qui Allah Azza wa Jalla a accordé de l'endurance. Inch'Allah, on va chercher des solutions. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. Donc, لَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Celui qui croit au dire du sorcier aura mécru à ce qui a été révélé à Mohammed. Ibn Mas'ud n'a pas cité comme exception le fait de questionner le sorcier lorsqu'on est touché d'un sort, d'une sorcellerie, pour qu'il essaie de nous désenvoûter. Sixièmement, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a cité dans Majmou' al-Fatawa Mujallad 19, le 19e tome à la page 61. Wal muslimun wa in tanaza'u fi at-tadawi bil muharramat kal maytat wal khinzir fa innahum lam yatanaza'u fi al-kufr wa ash-shirk aw lam yatanaza'u أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال لا يجوز التداوي به بحال. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, les musulmans, même s'ils ont divergé quant au fait d'utiliser comme remède des choses qui sont interdites à la base, comme la viande morte ou le porc, néanmoins ils n'ont pas divergé sur l'interdiction de se soigner à l'aide du politisme et ni de la mécréance. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ici nous cite al-ijma'. Donc ici Ibn Taymiyyah nous cite al-ijma'. Donc il y a le consensus sur le fait qu'il n'est pas permis de se soigner à l'aide de mécréance ni de politisme. Septièmement, inkar ou ankara jam'un min as-salaf hal al-sihr bi-sihr. Il y a plusieurs textes de pieux prédécesseurs interdisant le fait de guérir la sorcellerie à l'aide de sorcellerie. Comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous a cité la parole d'Ibn Mas'ud. Kariha hadha kullah. وعند ابن أبي شيبة أثار النخاعي إبراهيم النخاعي رحمه الله تعالى كان قال كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشرة. ابن إبراهيم النخاعي من أصحاب من؟ طيب je vous pose la question ensuite en France. Certains parmi les plus prédécesseurs ont réprimander sévèrement le fait de soigner la sorcellerie par la sorcellerie. Ils ont dit que c'était haram. Ibn Mahmed a cité la parole d'Ibn Mas'ud. Ibn Abi Shayba a cité la parole d'Ibrahim al-Nakha'i. Disant, il détestait tout cela. Les ruqya, al-ruqa, les talismans et les désenvoûtements. Ibrahim al-Nakha'i fait partie des élèves de qui? Et il a fréquenté qui parmi les compagnons de Prophète Arsène? On l'a déjà vu ça. Lorsqu'on était dans le chapitre Al-Khawf min al-Shirk. Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Wa min ashab ibn Mas'ud. Ahl al-Kufa. Font partie d'ashab ibn Mas'ud. Et lorsque ce sont les gens de Mecca, ce sont les ou de Taïf, ce sont ashab même. Ibn Abbas radiallahu anhu. Taïf. Donc, ce qui est voulu ici, c'est Ruqa, Wal-Nushra, Shirki. Huitièmement, Majlisul Sahir, Nafsuhu, Majlisul Kufr. Huitièmement, l'assise du sorcier est une assise de mécréance, où il y a de la mécréance. Majlisul Kufr. Wallahu subhanahu wa ta'ala, qala fi kitab al-Karim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يا الله سبحانه وتعالى من القرآن il vous a été révélé, il a été révélé sur vous dans le livre que lorsque vous entendez qu'on mécroit au verset d'Allah ou qu'on s'en moque, vous ne devez pas rester assis avec ces gens-là, ni participer à ce discours. Ce verset nous montre quoi? Ce verset nous montre l'interdiction de se rapprocher des assises des sorties. Salam alaikum. Comment tu t'appelles? Allah ybarak fik. Si les hommes pouvaient être aussi calmes que toi, il y aurait la plus grande tranquillité dans la mosquée. Elle a traversé tout le masjid sans un bruit. Elle a déposé une feuille sans un bruit. Elle est répartie. Bi amni wa salam. Allahumma barik. Tayyib. Donc c'est interdit d'assister à des assises où il y a du haram. Et quel plus grand haram que le kufr? ولا ذنب بعد الكفر كما يقال. Neuvièmement, الصحابة ثبت عن الصحابة الأمر بقتل السحرة ثبت عن من. Donc on a vu dans des cours que dans des cours passés que plusieurs compagnons ont ordonné ماذا que le jugement du sorcier soit القتل, la peine de mort. Comme qui? Qui parmi les sahabas a ordonné cela? Omar ibn al-Khattab? Men? Qui d'autre? Vous ne révisez pas les cours? Imam Ahmed disait al-Muraja'atu aham min al-Hifd. J'ai pensé qu'il me répétait souvent un de mes enseignants, Hafidahullah ta'ala, waffaqah, wa jazahullahu anni khayran azima. Al-Muraja'a aham min al-Hifd. Un de mes premiers un de mes premiers enseignants. C'est comme ça qu'on dit. Taïb. Un frère de Bobigny, Jazakallahu Khair. Et c'est le premier, si mes souvenirs sont bons, duquel j'ai entendu du ilm sahih. Subhanallah. Lorsque tu entends quelqu'un de Ahl Sunna qui parle avec ilm, ça te bouleverse le cœur. Ça remonte à une dizaine d'années. Et il faisait tafsir le surat al-Nasr. Et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui était sur la sunna parler avec ilm. Subhanallah. Ça m'a bouleversé. Et il y a eu des effaces. Et bihamdillah azza wa jal, depuis ce jour-là, depuis cette minute-là, ahbabtu al-ilm wa ahla. J'ai aimé la science et les gens de science, fajazahullahu khayr. Alors que je n'étais pas assis dans la cité. J'étais caché derrière le mur et j'avais honte de m'asseoir avec ces gens. Et j'écoutais discrètement ce tafsir. Fajazahullahu khayr. Donc, il y a Omar, il y a qui d'autre? Jundub, Jazakallahu Khair. Qui d'autre? La mentionnant la fille d'Omar, radiallahu anhu, qui est aussi l'épouse du prophète, sallam. Hafsa, radiallahu anhu. On a cité ces trois et on avait ajouté trois autres. Naam. Donc, Thabata anhum al-amr bi qatli sahara. والقول بجواز حل السحر بالسحر ينافي هذا. Donc les compagnons ont ordonné ماذا la peine de mort sur les sorciers. Et le fait de dire que c'est permis de guérir la sorcellerie par la sorcellerie faite par un autre sorcier contredit la parole ici des compagnons. Comment est-ce qu'on pourrait dire nous aux gens, ah, rendez-vous ماذا, auprès des sorciers, alors que les sahaba ont dit haddu sihr darbatun bis-sayf. C'est un tanaqud avec donc le manhaj des sahaba. C'est une contradiction avec ce sur quoi étaient les compagnons. La ilaha illallah. Dixièmement, القول بجواز السحر أو حل السحر بالسحر دعوة إلى السحر في الحقيقة والتهوين من خطر الشرك والكفر والسحر وذريعة واضحة لانتشار السحر والشعوذة وإذا علم بذلك السحرة ماذا سيقول؟ سيبررون موقفهم بهذا. كلما نصحوا سيقولوا نحن نعلم أن السحر محرم ولكن نعمل بالسحر لنفعة المسلمين ولفك السحر عن المسحورين ولفعل الخير. سبحان الله. إذن هذا القول من أفضل الباطل كما قال العلماء المحققون. Deuxièmement, en disant que c'est permis de soigner la sorcellerie par la sorcellerie, ben il y a indirectement un appel à la sorcellerie. Il y a un appel à la sorcellerie. Et c'est comme s'il y avait un encouragement même à la sorcellerie. Et ça ouvre des mauvaises portes aux sorciers et aux charlatans. Et ça ferme la porte du amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Pourquoi? Car lorsque tu vas conseiller les sorciers, mettre en garde contre la sorcellerie, les gens diront non, mais lui c'est un bon sorcier. Hein? C'est un bon sorcier. Comme s'il y avait de bons sorciers, subhanallah. Car lui, il fait le bien. Et il aide les ensorcelés. Et il sauve wa hakadha. Donc ils vont se cacher derrière cette porte en disant que oui, nous savons que la sorcellerie est mauvaise et ceci et cela. Mais nous, nous faisons la sorcellerie pour secourir les ensorcelés, pour soigner les musulmans qui sont malades. Voici 10 points qui ont été cités par les savants pour démontrer la plus grande fausseté qu'il y a dans cet avis. Et certains parmi les faibles de science ou d'esprit ont été troublés par cet avis. Mais alhamdoulilah, les ulama ont éclairci cela de la meilleure façon et ont démontré que c'était un avis totalement et complètement faux. Tout l'islam est venu pour combattre ça. Comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas? Ces gens qui, ou ces personnes qui ont émis cet avis, qui est donc le fait de dire que c'est permis de soigner la sorcellerie en se rendant chez un sorcier, ou en gros deux attaches. Deux arguments, ou deux choses qu'ils ont pris pour argument. Premièrement, قالوا هذه ضرورة والضرورة تبيح المحظورات. Leur premier argument, c'est de dire que nous sommes ici dans un cas de force majeure. Et le cas de force majeure rend permis la chose qui auparavant était interdite. D'accord. Deuxièmement, ils ont dit ouais, d'abord sur ça, ou plutôt le deux. Premièrement, c'est le fait de dire que c'est un cas de force majeure. Deuxièmement, c'est l'athar de Saïd ibn Saïd que nous avons vu. Les savants ont répondu à ces deux ambiguïtés en disant. فك السحر لأننا في ضرورة الجواب على ذلك أنه لا يجوز في حالة الضرورة استعمال المحرمات إلا إذا فقد الحلال والجائز شرعا وفي هذه الحالة الرقية الشرعية موجودة والتداوي موجود. Donc, pour répondre au premier argument, les savants ont dit que si dans cette situation on disait que c'est vrai que nous sommes dans un cas de force majeure, on nous pourrait permettre dans cette situation le fait d'utiliser le sihr. Car les savants sont unanimes sur le fait de dire que nous n'avons pas le droit d'utiliser quelque chose de haram tant qu'il y a une solution dans le halal. Et dans ce cas, il y a ruqya shar'iyya avec le Coran, avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore d'autres manières. Et Allah dit dans le Coran, « وَالنَّزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ لِلنَّاسِ » Et Allah nous informe que la meilleure forme de guérison est le Coran. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans le même passage que nous avons lu auparavant, a dit « وَقَدْ أَغْنَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنِ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ » Ibn Taymiyyah nous dit qu'Allah a mis à l'abri les musulmans par ce qu'il a légiféré lui et son messager, c'est-à-dire que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il nous a mis à l'abri du polythéisme et des gens du polythéisme. C'est-à-dire que nous sommes à l'abri d'aller chercher dans le shirk pour nous, ma'adha, pour nous amener le bien ou nous préserver du mal. فلا يجوز donc عند الضرورة إذا وجد الحالة ألا ماذا الميل إلى المحرم. Donc sans aucun doute, nous n'avons pas le droit de nous diriger vers le haram, même dans un cas de force majeure, lorsque nous avons ماذا des choses qui sont permises à notre ماذا à notre service ou qu'on a encore le choix. Deuxièmement, اللجوء إلى السحرة لحل السحر مفسدة محققة في مقابلة مصلحة موهومة. استعمال السحر هل باستعمال السحر والذهاب إلى السحر هل يتحقق فك السحر؟ قد يكون وقد لا يكون. صحيح؟ قد يكون وقد لا يكون. لأن الساحر سيستعمل وسيستخدم الشياطين وهم درجات أو دركات، وهذا الشيطان قد يكون أقوى من هذا، وهذا الساحر قد يكون أقوى من هذا، فبهذا يظهر. لماذا ذكرت لك الشاهد؟ لماذا ذكرت لك هذا؟ لأن الشاهد هنا أنهم قاسوا مع نفس الفارق، مع وجود الفارق. إذن هذا القياس قياس مع نفي الفارق، مع وجود ماذا الفارق، فهو قياس باطل. Donc ils ont dit nous sommes dans un cas de force majeure, à l'image de celui qui va mourir de faim et qui n'a auprès de lui que du porc, qui n'a auprès de lui que des aliments haram. Il a le droit dans cette situation de manger la part nécessaire pour le maintenir en vie, hein. Il n'a auprès de lui que de l'alcool pour se déshydrater. S'il ne boit pas, il va mourir. Donc il a le droit de boire dans cette situation le minimum par lequel il restera en vie. La règle, elle est ainsi. La règle ne veut pas dire que tu as le droit de manger du porc comme tu l'entends, ou de boire de l'alcool comme tu l'entends, ou de la viande morte non halal comme tu l'entends. Non, tu as le droit de prendre la partie nécessaire à ta survie. C'est une chose à retenir, ça. C'est wadih. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Ah d'accord. Aussi nous disons que lorsque les gens se rendent auprès des sorciers pour se soigner de la sorcellerie, est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir la guérison? Non. Car le sorcier peut réussir à soigner la personne tout comme il peut échouer. Car comment est-ce qu'il s'y prend? Il va faire comme l'autre sorcier auparavant. Et il va rechercher l'aide auprès des shayatins afin que le djinn enlève Mada, le sort. Donc c'est comme s'il y allait avoir un combat entre ce sorcier et l'autre sorcier, entre les shayatins du premier groupe et les shayatins du deuxième groupe, entre les djinns du premier groupe et les djinns du deuxième groupe. Et qui te dit que le deuxième groupe va être plus fort? Car ils sont comme les hommes. Mada, il y a un tel qui est plus fort qu'un tel et un tel qui est plus fort qu'un tel. Donc tu n'as pas la garantie dans la guérison quant à l'obtention de la guérison. Alors que le mal, lui, est sûr. Donc il y a un mal sûr et une guérison qui n'est pas sûre. Alors que dans la personne qui est en train de mourir, si elle ne mange pas de la viande morte ou du porc, est-ce qu'il est sûr de rester en vie? Bi'idhnillah, s'il mange de cette viande, oui, il est sûr. Alors que l'autre dans le sihr, il n'est pas sûr. Donc le fait d'avoir comparé cela à la viande morte n'est pas juste. Il y a une différence. Donc l'analogie qui a été tentée ici n'est pas juste ni correcte. Dû à ma fatigue, j'ai du mal à m'exprimer. Si vous avez compris, alhamdulillah. Si vous n'avez pas compris, vous demandez à Mada, à ceux qui assistent au cours et qui ont compris, de vous expliquer. Aussi, les savants ont dit, est-ce que le sahir est un croyant au point où vous avez confiance en lui de la sorte? Qui vous dit qu'il ne va pas vous tromper, juste prendre votre argent? Qui vous dit qu'il ne va pas enlever ce sihr, certes, mais vous ensorceler dans votre sihr, afin que vous soyez dépendant de lui, afin que vous reveniez à lui tout le temps et toujours pour manger votre argent? Parce que les Sahara sont des menteurs, sont des gens qui mangent l'argent des gens. Bilbatil. Donc comment est-ce que vous pouvez avoir confiance à ces sorciers qui trompent les gens et font du mal? Fahum ahlu fujur wa kadhib wa akalat an-nas amwal an-nas bilbatil. Patientez, on arrive à la fin. Aussi les savants disent, la yu'man liman dhahaba ila sahara an yaqa'a fil kufr. فالذريعه يعني قويه. Aussi les savants ont dit, celui qui se rend auprès du sorcier alors qu'il est dans un état, yani ceux qui sont touchés de sihr, sauf ceux qui ont une foi forte, sauf ceux qui ont vraiment, ceux qui sont soumis au décret d'Allah, sont dans une situation de grande faiblesse psychologique, physique et religieuse. Certains d'entre eux sont prêts à tout pour guérir, alors que peut-être la maladie, et que sûrement, pas peut-être, il y a une sagesse d'Allah Azza wa Jalla dans cette maladie, afin qu'il se bat, afin qu'il revienne vers Allah, afin qu'il utilise les moyens halal, afin qu'il place sa confiance en Allah, qu'il fasse dua et augmente sa piété. Combien parmi ceux qui ont été touchés de sihr avaient de grandes désobéissances et ils se sont repentis à Allah Azza wa Jalla? Et aujourd'hui, ils ont encore cette maladie, mais ils sont devenus, ils sont aujourd'hui du nombre des meilleurs serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Nahzabuhum kadhalik wallahu hasibuhum, parmi les femmes, parmi les hommes. Et combien parmi eux ont guéri après avoir lu le Coran plein de fois, après avoir appris leur religion, et tawhid, la connaissance d'Allah. Mais d'autres, malheureusement, faiblissent grandement et sont prêts à tout pour guérir. Que penses-tu d'un homme ou d'une femme qui se rend près d'un sorcier dans une détresse semblable, qui elle est prête à tout pour guérir? Son cœur est brisé. Elle n'a presque plus d'espoir. Elle se retrouve dans les mains d'une personne mal intentionnée comme le sorcier. Que penses-tu qu'il peut faire d'elle? Qu'il puisse faire d'elle? Il peut lui dire, je peux te guérir. Il peut lui dire, je connais les choses de l'invisible. Il peut lui dire, si tu égorges pour moi autre qu'Allah, ou pour le sorcier, ou pour Satan, ou pour, alors tu auras la guérison. Comme cela a lieu dans beaucoup de pays. Ils se rendent avec leurs offrandes. Il y en a même qui voyagent pour aller voir les sorciers pour guérir leurs malades. Il y a des villes du Maroc où ils font cela. Il y a des villes du Sénégal où ils font cela. Il y a des villes du Mali où ils font cela. Il y a des villes à Oman où ils font cela. À Oman où ils font cela. Il y a des villes et il y a des villes. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Ils ont laissé Allah tabaraka wa ta'ala al-hayy al-qayyum al-qawi al-aziz al-karim sami'u al-du'a mujibu al-da'awa. Ils ont laissé celui qui nous dit dans le Coran namamru idha arada shay'an an yaqula law kun fayakun. Ils ont laissé al-shafi haqqan Allah rabbu al-alamin al-hayy alladhi la yamut wal ins wal jinn yamutun. Ils ont laissé celui qui était omnipotent, sage, savant, miséricordieux, parfaitement capable, celui qui guérit réellement de la maladie, celui qui lorsqu'il veut une chose dit soit et elle est, celui qui est vivant et ne meurt jamais, celui qui a la plus grande miséricorde et qu'avec une parole il peut te guérir et te rendre encore mieux que tu étais avant ta maladie. Ils ont laissé Allah, le Seigneur des mondes, pour se diriger vers une créature faible, vers le sorcier, le menteur, le grand mécréant. Allah musta'an. Le sorcier peut donc faire tomber cette personne dans la mécréance. Et on a cité à plusieurs reprises dans les cours que parmi les grandes bases, le fait de préserver les limites qui peuvent faire tomber les gens dans quoi? Dans le shirk. حماية التوحيد والذرائع الشرك. Et concernant le athar de Sa'id ibn Musayyib, il dit qu'il n'y a pas de mal. Dans le athar, on ne nous dit pas que c'est al-nushra al-mamnu'a, que c'est le désenvoûtement qui est fait à l'aide de sihr. D'accord? Deuxièmement, parmi ceux qui ont rapporté ce athar de lui, comme al-Hafidh ibn Hajar a cité, le fait que certains qui ont rapporté le athar de lui ont expliqué cela d'une manière où il n'y a pas de shirk. Troisièmement, Sa'id ibn Musayyib est un des grands savants. Donc le bien, Husnuddin, nous fait penser de lui le bien. Donc on pense, on comprend sa parole de la meilleure manière, tant qu'on peut le faire. Quatrièmement, si véritablement il avait permis cela, ben d'autres parmi les savants chez les tabi'i ont dit le contraire. Alors c'est une divergence. Et s'il y a une divergence, même si elle n'est pas acceptée dans ce cas, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez dans une chose, Allah nous dit quoi dans le Coran? Renvoyez-la à Allah, c'est-à-dire au Coran et à son message, c'est-à-dire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque. De son vivant à sa personne, après sa mort à la sainte. Que dit, si on ajoute que des savants au-dessus de la génération Sa'id ibn Musayyib l'ont contredit? Comme Ibn Mas'ud. Que dit si meilleur qu'Ibn Mas'ud, meilleur que les compagnons, on contredit cette parole comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Que dit si dans le Coran on y voit la contradiction de la parole de Sa'id ibn Musayyib radiallahu anhu, dans le cas où sa parole aurait eu comme sens la permission de guérir la sorcellerie par la sorcellerie? J'ai cité ces quelques points, mais il y en a d'autres que j'ai oublié. هذا الذي تيسر. Voici ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis pour ce cours en ce jour béni. والحمد لله الذي به تتم الصالحات. On remercie Allah Azza wa Jalla, celui qui nous a permis d'étudier ces 26 chapitres de Kitab al-Tawhid. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous maintenir en vie afin de pouvoir revenir vers lui repentant, reconnaissant, avec de bonnes actions, plus de science et plus de piété. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لأمي، اللهم اغفر لها ورحمها، وتب عليها وارفع درجاتها في الجنة، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها، إنك أنت الغفار أرحم الراحمين، واغفر موتنا وموتى المسلمين، وفقنا إلى كل خير. À partir de la semaine prochaine, إن شاء الله تعالى, nous allons commencer l'étude de Ahkam al-Siyam, donc des règles de jurisprudence concernant le mois du Ramadan et son jeûne. Durant ce temps, nous ne disons pas que nous mettons entre parenthèses al-Tawhid. Al-Tawhid, ta'ish ou bih. Tu vis avec. Comme notre frère Abdurrahman nous a conseillé, rappelé hier, Jazakallahu khair, ou plutôt lorsque j'ai suivi en direct, At-Tawhid, c'était la semaine dernière, nous vivons avec. On se lève avec, on se couche avec, on se réveille avec, on dort avec. Lorsque tu te réveilles, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Lorsque tu te couches, Bismikallahumma amut wa ahya. Lorsque tu sors de chez toi, tu sors avec le tawhid. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udhal, aw adilla aw udhal. Ainsi de suite. Lorsque tu rentres chez toi, tu rentres avec le tawhid. Tu manges avec le tawhid. Tu finis avec le tawhid. Le tawhid ne se sépare pas de toi. Le tawhid ne doit pas se séparer de toi. Pas même le temps d'un clin d'œil. Donc lorsque nous disons nous sommes au premier chapitre, deuxième chapitre, ne pensez pas que lorsque nous allons finir le livre, Inch'Allah ta'ala, nous allons mettre le tawhid de côté. لا والله بإذن الله رب العالمين نعوذ بالله من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلزموا التقوى حتى الموت. ورأس التقوى توحيد الله. الله nous ordonne de rester sur la piété et de nous mourir qu'en pleine soumission sur le tawhid. Mais il y a ce pilier de l'islam, as-siyam. Et comme c'est un ordre d'Allah, nous devons apprendre. Et à travers as-siyam, on veut concrétiser le tawhid. As-siyam revient au tawhid. As-siyam revient au tawhid. Tu délaisses ce qu'Allah t'interdit durant la journée. Alors que lorsque tu te retrouves tout seul, tu as la capacité de manger. Mais tu ne le fais pas. Car tu as le tawhid. Car tu sais qu'Allah te voit. Car tu cherches l'agrément d'Allah. Donc as-siyam, le but c'est le tawhid. Naam. Et le cours sera à la même heure. Le cours sera à la même heure. Pour l'instant, le jeudi et le vendredi. Et par la suite, on ajoutera ce qu'Allah Azza wa Jalla aura facilité. J'avais prévu il y a de cela quelques mois de partir à Umrah, mais ma shi'ta kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun khalaqta al-ibad ala ma 'alimta wa fi al-'ilm yajri al-fata wal muslim. Kana al-imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala yatamathalu bi hadhihi al-abyat yatasalla لما قد يكون من قدر الله عز وجل. Donc je disais que j'avais des projets, mais je me console avec la parole de, après avoir dit قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. Je me console avec quelques paroles d'Imam al-Shafi'i qu'il disait dans ses poèmes. Il dit: ce que tu veux se réalise de manière inéluctable, même si je ne le veux pas. Et ce que je veux moi ne se réalisera pas, sauf si tu le veux toi. Tu as créé les serviteurs selon ce que tu as su, c'est-à-dire le destin. Et c'est dans cette science qu'avance le jeune homme et la personne âgée. C'est-à-dire dans le destin, tout ce qui se passe, c'est des qadari. Puis il cite d'autres choses. Mais, lorsque Mada, la situation de ma mère, c'était plus difficile, j'ai mis en pratique ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a facilité de l'islam, c'est-à-dire que l'obligation était de rester auprès d'elle, rahimahallah, pour recherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal et faire ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne, birrul walidayn, le fait de prendre soin de nos parents lorsqu'ils sont dans la difficulté ou qu'ils atteignent un âge avancé. Donc j'ai annulé certains de mes projets comme la Umra. Donc pendant Ramadan probablement que je serai là. Il y aura donc un programme en plus de Ahkam al-Siyam. Il y aura un programme, Inch'Allah, probablement les histoires du Coran. Les histoires du Coran, comme la qissa de Ashab al-Fil, Ma'adha, Ashab al-Kahf, Qaroun et d'autres. D'accord? Des choses qui rentrent avec à tafsir le Coran, comme c'était l'habitude de l'imam Malik et d'autres parmi les plus prédestinés. Il y aura aussi probablement la biographie de certains prophètes et d'autres sujets. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur Ahkam al-Siyam. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Est-ce que vous avez un conseil à me donner ou une correction à apporter de ce cours ou des cours de Kitab al-Tawhid ou des autres cours? Celui qui a un conseil à me donner ou une correction à apporter, ya tafadhal wa kulluna ikhwa. ونتعاون إن شاء الله على البر والتقوى. Il n'y a pas de gêne à ce que l'élève conseille son faible enseignant. et nous sommes tous des frères, et il n'y a pas de shir dans la science parmi nous, mais on s'entraide, on essaye d'avancer comme Allah Azza wa Jalla nous facilite. Donc il n'y a pas de mal à ce que tu me conseilles, à ce que je te conseille, wa hakada barakallahu feikum. Même Adam, si tu as une roma, tafadda, c'est mon frère bien aimé, wafakakallah. من عنده ملاحظة أو شيء؟ كيف كان رمح شيء؟ تفضل سليم. تفضل تعال تعال. في وقت شو بنكون سيد؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم par moment appelait ses compagnons et leur demandait de lire le Coran. Alors Ibn Saoud lui dit: Ya Rasulallah, comment est-ce que je pourrais lire le Coran sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été écrit؟ يعني أو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ عليك القرآن. قال يا رسول الله أو أقرأ عليك القرآن وعليك أوتي؟ قال أحب أن أسمع من غيري. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ماذا نقول نحن؟ Si le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ça, qu'allons-nous dire? Il est écouté Abu Moussa al-Ash'ari réciter le Coran. بارك الله فيك. Et certains parmi les plus prédécesseurs appelaient leurs élèves et leur disaient: conseille-nous. Conseille-nous, mon cœur est devenu dur. Conseille-nous. Et certains parmi les plus prédécesseurs disaient à un tel dans la cible: Wallahi, il est meilleur que moi. Wallahi, il est meilleur que moi. Et d'autres parmi les plus prédécesseurs regardaient les enfants comme les jeunes, comme Adam, et disaient: il est meilleur que moi. Il est plus jeune, a donc moins de péché. Puis ils regardaient la personne âgée et disaient: il est meilleur que moi. Il est plus âgé, il a plus de bonnes actions que moi, de bonnes actions. Allahu musta'an. Qum. Conseille-moi et conseille tes frères. Allah Afuna Salim, tu assistes très souvent au cours de Zahallah Khair, tu nous conseilles la Zahallah Khair. Ça va bien. Matadri Mada Takul, réfléchis et parle alors. Alors. Je suis pressé matin. Vite. Je te laisse. Je suis fatigué, je suis un petit peu malade. Alors en bonne santé, j'assiste à des acides ou des savants ont appelé des étudiants pour faire un rappel devant tout le monde. La première fois, je la seule chose que je dis, c'est Nia. Dis-le au micro et fais-nous entendre. C'est un grand conseil, ça. Je vais avoir des soucis en rentrant en plus. Le prophète a dit: lorsque quelqu'un te demande conseil, sois sincère et donne-lui le conseil. الشيء الذي أريد أن أقوله أن يجب أن تكون نيتنا صالحة، هذا ما فقط. جزاك الله خير. بارك. هذه نصيحة طيبة. بارك فيك. نصيحة عظيمة جدا. Je me rappelle que parmi mes enseignants, certains n'avaient pas ce nombre-là devant eux. Alors qu'on sait de manière claire qu'ils sont plus charmants que plus vieux. Wallah hasid. Ahsanun kazaik, wallah hasid. Donc c'est une fitna. Et on doit faire attention à notre attention. Et toi, lorsque tu viens dans la cité, tu seras vu de bon nombre de personnes, tu dois aussi faire attention à ton attention. Tu dois savoir pourquoi tu étudies. Pour connaître Allah, pour l'adorer dans un culte sincère, pour accepter. Ça, ton attention. Tu dois vouloir enlever ton ignorance. Tu dois vouloir mettre en pratique ce qu'Allah t'a ordonné. Tu dois vouloir préserver cette charia. Faire da'wa aux gens. Voici l'intention que nous devons avoir. Adam, je donne un conseil à tes frères. Rabbi. الحمد لله. متى عندك نظرة؟ تفضل. طيب il faut adorer Allah sans rien lui associer. جزاك الله خير. Ajoute ce que tu as ajouté. تفضل. خلاص. جزاك الله خير. هذه وصية عظيمة جدا. Un grand conseil. Adore Allah Azza wa Jalla. Celui qui met en pratique ce que le frère Sal et ce que le frère Al nous ont recommandé, bi'idhnillah, il rentre fil djanna. Bi'idhnillah, il rentre fil djanna. Rasulillahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.